Fianso, Giclo, eh ouais, loup par l'âge de nerfs. 59 grammes, African clan, on vient striker la seule. On est venu striker la France, moi et mon groupe et tes gueules. Dis-moi ce qui change dans ta vie. Pour moi rien n'est, si je récite une vie de poisse. Ces putains de fils ça là, c'est hardcore comme une bite. Dans le cul d'un gars je suis venu pour rire la France. Avec les francs, faire les crues, t'écoutes ou pas un con qui parle. Rien que change mon vécu ici. On apprécie la vie avec ou sans aigu. Dis leur groupe est tard le soir, sortir en pleine rue. Je suis venu cracher mes textes sur ce putain d'instru. Africa les clans, petite mazane, c'est merde qui veut. En bref, nique le succès. Mon frère, les soucis me cernent. En France, trop de gens se plaignent de ce bâtard payé de son putain de système. Je te parle des mères fatiguées, des pères à la retraite, encore obligés de poser. Regarde nos rues remplies de keufs, des chiens ou taineux. Ces chiens de garde, on la gagne, ils nous contrôlent après le jeune. Dealer Minder, secteur de guerre, la Palestine. J'en place une pour le pays et grand-père Moudjahidine. Roubaix Nord, tard le soir, explosif comme une mine. J'oublie pas mes gars bronzés, sous les vis, y'a pas de string. Pas de Vodana sur le crâne, car mon autre actif. Je parle des mecs qui ont des couilles, qui braquent en bras bus. C'est de mes frères qui connent dur. Frappe comme Cassius, j'suis pas seul à signer le mic. Ferry 5 de plus, pas être char, ça vaut de la cam pendant d'autres villes, crame des bus. Pas de pouba dans mes oreilles, pas nouvelle opus. Une rage qui sort de mes tripes et qui contracte mon flex. Regarde, ma jugulaire gonfle sur un strus persiste. Tant pis, nique le succès, j'ai pas envie de faire Bercy. Mais j'me sens bien pour le moment, que la vie m'estime. J'ai passé quelques notes PT1, j'garde la pêche pour ceux que j'aime. Trop pensif, trop de fumée. 59G, 59 chants, africain. Chez nous c'est le danger, alors vive vite full clan. On prend le mic en rage et on est toujours éloquent. On débarque énervé, des strikes sur la sevrance. On vient innover, d'ambition on est choquant. On veut pas dériver, tu nous connais, on est violent. Les rues on fout le droit avec des mots effrayants. C'est pour les mecs du QG, ceux qui font couler le sang. Chez nous les héros sont des zéros, y'a pas de zéro. Tous en manque d'euros, alors on squatte le terre-terre pour brasser le million d'euros. Sous ce beat j'ai la rage, et ta France ils m'ont mis dans un barrage. Alors j'arrive à plus de 220 km/h pour mettre un strike sur qui, sur quoi. Un strike sur la France, mes phrases les ont mis en transe. Garde la pêche, j'ai pas encore utilisé mes points. Ça avance sous Merman, bouge ou crève. Dans le checker c'est devenu un stand de tir. C'est le 14 juillet avant l'heure, le camp avant gong. Merde d'être trop calé parce que notre couleur est trop foncée. C'est la France qu'on vient enfoncer. On a mis 4 sur table, c'est qui tout double. C'est touché, coulé, bolos. Casse des diamés, yénos. La brique, Minder, Zanzan, à la clip. On m'a connu toujours féroce. À trans, et si tu testes, c'est des coups de tournant. Signé les petits pestes. La France, je vais pas la faire pleurer. Mais on va pas se leurrer. Il y a l'heure qu'il est, on court tous après le beurré. On veut se tailler, refrain. C'est toujours le même refrain. Et ça m'effraie. Je suis sur une pente avec un vélo centré. La vie, c'est comme un crédit. Chacun pense à ses intérêts. Alors on devient ce crédit. Pour éviter de payer les frais. Des prix, y'en a un peu. Et l'avenir me fait peur. Mais penser, je t'en fais pas. Y'a trop de rage dans mon cœur. Alors tu me fais en circuler. J'écris des textes depuis le collège. Sans cours de musique, pas besoin de solfège. Frère. Les temps changent, c'est ce qu'on nous dit. Mais faut bien qu'on mange. Alors on vient des bandits. Certains frères tranchent, veulent refaire leur vie. Mais ça les dérange. Quand on s'en sort dans ce pays, ils nous ont pillés. Aujourd'hui ils vont payer. Donc l'image qu'ils donnent de nous, faudrait la renverser. Inverser. J'crie ma haine à travers ces versets. Normal, je suis en France, mais je suis pas français. J'ai les sourcils bronzés. J'suis rejeté de la société. À cause de ma couleur foncée. Les taches viennent au foncé. Mais qu'ici c'est la merde. Et il y en a assez. Mais je vais pas rester assis. À regarder tout ça. Qui mettent les chemises en France. Ouais, ça fait bing bing. Ils sont prêts de confiance. Vu que dans la rue c'est comme un riz. À personne faut faire confiance. Y'a pas baisse ton strip. On rentre avec violence. 59G, 59 chants, African clan. Chez nous c'est le danger, alors vive vite full clan. On prend le mic en rage et on est toujours éloquent. On débarque énervé, des strikes sur la sevrance. On vient innover, d'ambition on est choquant. On veut pas dériver, tu nous connais, on est violent. Les rues on fout le froid avec des mots effrayants. C'est pour les mecs du QG, ceux qui font couler le sang. Nos rues, les strikes d'héros. Dans la merde, puis tout jeune, pays de bâtard où je vis, frérot. J'insulte la mauvaise graine, regrette les instants de folie. Les faits divers, les méfaits, ça craque, frère. Et à tout ça, fils de pute, monde, c'est fait par mes jeunes. Je raconte ce que je vis, ce qui se passe. Mon pic pleure sur feuille blanche. 5 de plus, African clan viennent et l'enseigne en somme. Almaga, hache le rap de France. Fume le shit et le beat, vandale sur un truc style. Pris de conscience, ne parle pas de la bonne route. J'en place une pour mes frères à contre-sens. Tous dans le même sachet. Peine à croire que nos parents ont nos pas assez chier. Sale immigré pour ces bâtards, mon frère. J'pense faussement mes mecs dans les rues fraîchement. L'argent se brasse aux mains sans blanche. Et à mon goût, trop facilement. Dis-leur que j'suis lassé, j'ai rien lâché. Voir des mecs à la télé qui réussissent et suivent pour le succès. Dans cette foutue vie, trop de bâtards. J'fous ma lax, c'est ne me parle pas de nouveauté. Hier deux hommes se sont paxés. Hey, frère, je suis stressé d'attendre que mon heure sonne et que me calme le rap. Dis-leur que ça aide à pas craquer. Car ici, les soucis s'en sont brevites. Je fais le vide dans mon crâne. Il faut de la place pour que je crâne.